الله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc la deuxième partie, on avait terminé d'expliquer la position au sujet des photos, des images et des idoles, et que c'est un moyen qui amène, une des choses qui amène les gens à tomber dans le shirk. Et puis, il y a une autre chose que je voulais mentionner juste avant de continuer, c'est que il y a un livre aussi, le livre de Cheikh Al-Albani, Adam Moussassar, et dans ce livre-là, il y a comme une sorte de clarification au sujet des photos et des images qui répond aux choses que le docteur Youssef Al-Qardawi a insinuées dans son livre Al-Halal al-Haram et l'Islam. Que dans son livre, Youssef Al-Qardawi, il essaie de permettre les photos et les images. Alors, Cheikh Al-Albani, dans son livre Adam Moussassar, il a réfuté ses allégations. Et puis aussi, dans son livre aussi de Tahrij, parce que Cheikh Al-Albani, il a écrit un livre de Tahrij de tous les hadiths qui sont mentionnés dans le livre Al-Halal al-Haram, c'est l'Islam de Youssef al-Qardawi. Donc il a sorti tous les hadiths de son livre et il les a authentifiés. Il a mentionné lesquels d'entre eux sont authentiques et lesquels d'entre eux sont pas authentiques. Et puis il a mentionné leurs références et d'où ces hadiths-là étaient tirés. Donc ceux qui ont la capacité ou la possibilité de vérifier dans ce livre pour avoir plus d'informations et de renseignements au sujet des images et des photos, alors Inch'Allah, ils vont trouver la réponse claire dans le livre de Cheikh Al-Albani. Donc on va continuer là où on était rendu au sujet du livre du Cheikh. Donc on est rendu au point où le Cheikh va expliquer certaines des choses que les mouchriquins utilisent pour essayer de permettre le shirk. Certaines des allégations des gens qui commettent le shirk pour essayer de dire que ce qu'ils font est judiciaire. Donc, il dit « نقض شبهات المشركين التي يتعلقون بها في تصوير شركهم في توحيد الإلهية. إنه بسبب رواج الشبه والحكايات التي ضل بها أكثر الناس وعدوها أدلة يستندون إليها في تزريع ضلالتهم وشركهم استمروا ما هم عليه فكان لا بد من كشف سيفها وبيان بطلانها ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وهذه الشبه منها ما هو قديم أدلى به المشركون من الأمم السابقة ومنها ما أدلى به مشرك هذه الأمة. Donc le Cheikh commence avec son introduction et il dit que il dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont répandu des sortes de doutes ou des histoires et qui ont causé l'égarement de beaucoup de parmi les hommes et qu'ils ont cru que c'était des preuves sur lesquels ils pouvaient se baser pour essayer de justifier leur égarement et leur shirk. Donc, le shirk, il dit, c'est une obligation, et donc c'est une obligation pour nous de clarifier et de démasquer, en fait, la fausseté de ces allégations et de ces prétentions pour essayer de faire comprendre la vérité aux gens. Et il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit pour que celui qui vive avec une preuve, pour que celui qui périsse sur la preuve et pour que celui qui vive avec une preuve. C'est-à-dire, c'est comme pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire celui qui va périr, c'est-à-dire celui qui va rentrer en enfer, il va rentrer en enfer après avoir reçu la preuve. Et celui qui va vivre, celui qui va être sauvé, qui va rentrer au paradis, eh bien, il va rentrer au paradis avec la preuve qui a été clarifiée pour lui. Et il dit, parce que parfois les choubouhats, c'est quoi? C'est des choses que les gens disent, qui paraissent vraies, sont vrais en apparence, mais que leur vérité est fausse. Donc, le chef dit, ces shubuhat-là, c'est des choses que les gens utilisent pour essayer de tromper les gens et de faire croire aux autres que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Donc, il dit, il y en a parmi ces shubuhat, il y en a parmi ces allégations qui sont anciennes, que les mushrikim, les idolâtres des peuples précédents, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant l'islam, ils utilisaient ces shubuhat-là. Et il y en a d'autres parmi les shubuhat qui sont nouvelles, yani, qui sont utilisées parmi les mushrikim de cette umma, yani, de parmi les musulmans. Et donc, il en a mentionné 5. C'est sûr qu'il y en a plus que 5, mais yani, c'est parmi les plus importants qu'il a mentionné. Et parmi ces shubuhat, il dit من هذه الشبه أولا شبهة تكاد تكون مشتركة بين طوائف المشركين في مختلف الأمم وهي شبهة الاحتجاج بما كان عليه الآباء والأجداد وأنهم ورثوا هذه العقيدة خلفا عن سلف كما قال الله تعالى عنهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Donc le chef il dit, il y a cette shubha qui est à peu près utilisée par que tous les mushrikins ou tous les groupes de mushrikins, peu importe leur nation ou leur origine, ils ont toute cette shubha en commun. Et cette shubha c'est quoi? C'est la shubha de prendre comme preuve le fait que leur père était en train de suivre, yani, de faire ce shirk. Donc étant donné que leurs parents ou leurs ancêtres faisaient ça, donc ça leur donne une sorte de autorisation ou excuse, ouais, pour essayer de continuer à le faire. Donc il dit, étant donné qu'on a hérité ça de père en fils, cette vie-là, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on fait, non, c'est valable. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça même dans le Coran, il mentionne leur argument, cet argument-là qu'ils ont donné, et il la réfute dans plusieurs versets, et on va voir comment. Et par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, c'est-à-dire avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un peuple, ou dans un village, ou dans une ville, nous n'avons pas envoyé d'avertisseurs sans que les gens de ce peuple disent au prophète, on a trouvé nos parents sur cette voie et donc on suit leur exemple. Et c'est eux qu'on suit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a trouvé nos parents en train de faire, c'est ça qu'on veut suivre. Et ça, c'est leur réponse au messager. Donc, le cheikh, il dit, وهذه حجة يلجأ إليها من يعجز عن إقامة الدليل على دعواه وهي حجة داحضة لا يقام لها وزن في سوق المناظرة فإن هؤلاء الآباء الذين قلدوهم ليسوا على هدى ومن كان كذلك لا تجوز متابعته والاقتداء به قال تعالى ردا عليهم قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وقال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون وقال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون donc le chef il dit et cet argument là qu'il utilise c'est l'argument de celui qui n'est pas capable d'établir aucune preuve de ses prétentions. C'est-à-dire, tout ce qu'il prétend, il n'a aucune preuve à leur sujet. Donc, c'est une preuve qui est nulle, qui est détruite en partant. Et elle ne pourra jamais tenir dans aucun débat ou aucune argumentation. Parce que leur père qu'ils ont suivi, eux-mêmes, ne se tenait sur aucune guidance. Hein. Donc, si c'est le cas que leurs parents eux-mêmes n'avaient aucune preuve, ne se tenaient sur aucune évidence, alors comment ça pourrait être possible que ce soit permis de les suivre? alors que eux-mêmes n'avaient pas de preuves. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans plusieurs versets, par exemple, quand on a dit que comme l'animal prophète, on dit, et si nous on vous venait avec quelque chose qui est plus droit et plus une meilleure guidance que qu'est-ce que vous avez trouvé vos pères en train de faire. Si nous on vous amenait une guidance qui est meilleure que celle de vos parents, alors eux ils disaient nous on me croit en qu'est-ce que vous avez amené, on rejette qu'est-ce que vous avez amené. Et dans un autre verset Allah dit أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et même si leurs pères, leurs parents ou leurs grands-pères ne savaient rien et ils n'étaient pas bien guidés, c'est-à-dire vous allez suivre vos parents, même si vos parents ne savaient rien au sujet de ce qu'ils faisaient, puis ils n'étaient pas guidés. Et puis dans un autre même si leurs parents n'avaient pas de raison, ils n'avaient rien compris, ils n'avaient rien raisonné et ils n'étaient pas bien guidés. Donc le cheikh a ensuite dit إنما يكون الاقتداء للآباء محمودا إذا كانوا على حق كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Donc le cheikh dit suivre les ancêtres ou suivre les parents est tellement glorifiable. Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi. Donc on a commencé de comprendre le sens. Qu'est-ce qu'on explique maintenant? On explique les certains arguments que les idolâtres utilisent pour essayer de rendre justifiable qu'est-ce qu'ils font. Et donc, le premier dans ces arguments-là, c'est de dire, par exemple, qu'ils suivent qu'est-ce que leurs parents faisaient. Et donc, si c'est ça un de leurs arguments. Et là, le cheikh, il explique comment Allah a montré que ça, c'est pas un argument valable. Parce que peut-être que leurs parents n'étaient pas sur le bon chemin. Et donc, on ne peut pas les suivre dans cet exemple-là. Et après, il explique justement que on peut se baser sur l'exemple de nos parents si nos parents suivent la vérité. D'accord? Et ça, c'est glorifiable. De suivre nos ancêtres quand nos ancêtres étaient sur la vérité, ça, c'est quelque chose de glorifié. C'est quelque chose de bien. Parce que Allah SWT, il dit à propos de Youssef, alayhi salam, que lui il disait je suis la religion de mes pères, de mes ancêtres, Ibrahim et Ishaq et Yaqub. Et il ne nous est pas permis d'associer quoi que ce soit avec Allah dans l'adoration. Donc ça c'est l'exemple de à propos de la suivre les pères. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah dit et ceux qui ont cru et que leur progéniture ont suivi dans la foi, nous les ferons rejoindre leurs enfants, et en est dans le paradis. Leurs progéniture, ils vont les rejoindre dans le paradis. Donc ça veut dire qu'ils vont tous être ensemble dans le paradis parce qu'ils se sont suivis dans la vérité, et dans la foi. Après, le cheikh dit « Wa shubhatu l'ihtijaji bima kana alayhi al-aba'u al-dalloun mutaghalghalatun fi nufus al-mushrikin » يقابلون بها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc il dit que la shubha ou la prétention des mushrikines au sujet des pères, c'est une de leur père qui était égaré, c'est une chose qui reste toujours dans l'esprit des mushrikines. Et ils essaient toujours d'affronter les prophètes avec cet argument-là, à chaque fois que les messagers leur viennent. Et donc, le chef donne des exemples, par exemple, pour le peuple de Noé. Le peuple de Noé dit « فَقَوْمُ نُوحٍ لَمَّا قَالَ لَهُمْ نُوحٍ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة لا سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Donc le chef il dit une mentionne le verset dans lequel Allah dit que nous il cite les paroles de Noé. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez aucune autre aucun autre à adorer en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas. Et après il donne la réponse des peuples de Noé. فقال الملأ الذين كفروا من قومه Et les gens de son peuple qui avaient mécru ont répondu, les gens de son peuple qui avaient mécru ont dit, ce n'est qu'un être humain qui, comme vous. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut essayer de se mettre dans une place de faveur au-dessus de vous. Il essaie de se montrer, de se mettre au-dessus de vous, d'avoir le pouvoir au-dessus de vous. Et si Allah aurait voulu, il aurait envoyé un ange au lieu d'envoyer cet homme. Et on n'a jamais entendu parler de ça dans le sens de nos parents, de nos ancêtres. On n'a jamais entendu des choses pareilles chez nos ancêtres. Donc, il se base sur le sens des ancêtres pour essayer de dire que, qu'est-ce que le messager leur demande de faire et correct ou qu'ils ne veulent pas le qu'ils veulent refuser de le suivre. Alors après le chef dit فجعلوا ما عليه آباؤهم حجة يعارضون بها ما جاءهم به نبيهم نوح عليه السلام وقال صالح يقولون وقوم صالح يقولون له أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وقوم إبراهيم يقولون له بل وجدنا آباؤنا كذلك يفعلون وفرعون يقول لموسى عليه السلام فما بال القرون الأولى يعني دونك يدن لكم دو صالح اي إبراهيم اي موسى avec فرعون اي par exemple le peuple de صالح a dit est-ce que tu viens nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres ont adoré et le peuple d'Ibrahim qui disait à Abraham, yani à Ibrahim, nous avons trouvé nos pères qui étaient en train de faire ces choses-là. Nos ancêtres, nous les avons trouvés en train de faire ça. Donc, c'était comme ils essayaient de justifier l'idolâtrie, yani, par cette affaire-là. Et l'exemple de Pharaon avec Moussa, Sama Baalun Kurunin Oula, yani, c'est toi, qu'est-ce que tu dis à propos des peuples? Les premières générations qui ont vécu. ومشرك العرب يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Donc il donne l'exemple des mushrikins parmi les Arabes lorsque le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم leur est venu et leur a dit dites لا إله إلا الله dites rien ne mérite l'adoration excepté Allah. Ils ont dit, nous n'avons jamais entendu parler d'une chose pareille dans la dernière religion. Et donc, ils essaient de nier ça par le fait qu'ils n'ont pas entendu ça par hasard. Donc ça, c'était en résumé le premier argument des mouchriquins pour essayer de contrer ou d'opposer les prophètes. Mais ils ont aussi d'autres arguments, et donc le chef en mentionne un deuxième. Il dit ثانيا ومن الشبه التي يدلي بها عباد القبور اليوم ظنهم ان مجرد النطق بلا اله الا الله يكفي لدخول الجنه ولو فعل الانسان ما فعل فانه لا يكفر وهو يقول لا اله الا الله مستمسكين بظواهر الاحاديث التي وردت فيها ان من نطق بالشهادتين حرم عليه النار. Donc le chef il dit, parmi leurs arguments, c'est l'idée que et beaucoup des gens qui adorent les tombes aujourd'hui se basent sur cette choukha, sur cette faute argument, que quiconque a dit la parole La ilaha illallah, ça lui est suffisant pour entrer au paradis. D'accord? Et que peu importe qu'est-ce qu'il fait après, même s'il met quoi? Tant qu'il dit La ilaha illallah, s'il adore autre que Allah ou fait des actes qui contredisent les fondements de la foi islamique, et bien, tant qu'il dit La ilaha illallah, il croit qu'il est toujours musulman ou croyant, et il se base seulement sur certains hadiths sans essayer de comprendre le sens. Et qu'on peut te dire, la ilaha illallah, ça te protège de l'enfer. Donc le cheikh dit, wal jawab an hadhihi shubha, an hadhihi al-ahadith laysat ala itlaqiha, wa innama hiya muqayyadatun bi ahadith ukhra jaa fiha annahu la budda liman qala la ilaha illallah an ya'taqid ma'naha bi qalbihi wa ya'mal bi muqtadaha fayakfur bima yu'badu min dunillah kama jaa fi hadith Uthman أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Donc le chef il dit la réponse à cette idée c'est que les hadiths à ce sujet ne sont pas générales, ne sont pas non, elles sont répandues, mais le chef, c'est comme s'il essaie d'expliquer qu'il ne faut pas les prendre, tel quel seulement de cette façon-là. Il faut voir les autres hadiths à ce sujet qui viennent restreindre la signification des hadiths ou limiter ou clarifier sa signification. Parce que c'est vrai qu'il y a un hadith qui va dire, par exemple, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يعني celui qui dit لا إله إلا الله il entre au paradis. Sauf qu'il y a d'autres hadiths dans ce même sens qui viennent rajouter des conditions à ce hadith et qui viennent pour expliquer que il n'est pas suffisant seulement de le dire. Il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Par exemple, il y a aussi comme le chef il va mentionner le hadith qu'il faut venir avec ses conditions et qu'est-ce que le shahada de la ilaha illallah implique. Je ne peux pas dire, par exemple, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et puis après tu t'en vas adorer autre que Allah, ou demander l'intercession, ou demander l'aide des morts. Donc, c'est comme si là tu as fait le contraire de la ilaha illallah. Donc, en faisant le contraire de la ilaha illallah, c'est comme si en réalité tu n'as pas vraiment cru en sa signification, ou bien tu n'as pas compris qu'est-ce que ça signifie. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit dans le hadith par exemple de Uthman, فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit le feu de l'enfer à la personne qui dit la ilaha illallah en cherchant par cela le visage d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc une des conditions c'est que tu le dises sincèrement pour Allah. Si tu le dis comme ça sans le dire pour Allah ou sans si tu le dis sans intention, ça ne sert pas à rien. Et après le chef il dit, وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وهم في الدرك الأسفل من النار ولم ينفعهم النطق بلا إله إلا الله لأنهم لا يعتقدون ما دلت عليه بقلوبهم. Donc le cheikh dit, par exemple, une des preuves de ça, c'est que les hypocrites, ils disent la ilaha illallah avec leur langue. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran qu'ils seront dans les profondeurs les plus basses du feu de l'enfer. Et que de dire la ilaha illallah ne leur sera d'aucune utilité, parce qu'ils ont dit la ilaha illallah sans croire à ce que ça signifie dans leur cœur. Hein? Donc, le chef il dit après, le sahih muslim, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah حرم ماله ودمه وحسابه على الله. سورة المنافقون سورة الهيبوكريت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. يعني الله سبحانه وتعالى يكسبك لكلا que lorsque les hypocrites ils viennent ils te disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah et Allah sait que tu es son messager et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs, tu comprends? Donc le fait que ces gens-là ont dit la ilaha illallah ou que Mohammed Rasulullah, tout ça, c'était juste pour se protéger, yani, ou pour aider, pour notre intention, mais pas pour Allah. Et il y a beaucoup d'autres, par exemple, Inna al-Munafiqina fi ad-dark al-asfali min an-nar, ça c'est un verset dans le Coran, yani, que les hypocrites sont dans le plus bas des feux de l'enfer. C'est sûr que al-Nifaq, yani, l'hypocrisie, elle a deux, il y a deux niveaux d'hypocrisie. Il y a al-Nifaq al-Amali, l'hypocrisie qui est dans les actions, l'hypocrisie des actions, c'est-à-dire quand quelqu'un fait des péchés qui sont, certains péchés qui sont contraires à leur foi, ça, c'est des péchés, c'est une hypocrisie mineure, comme dit. Et il y a l'hypocrisie al-qalbi, c'est-à-dire l'hypocrisie du cœur. Et cette hypocrisie du cœur-là, c'est celle qui est yani, opposée à la foi. Yani, ça, c'est une hypocrisie majeure. C'est-à-dire celui qui a cette hypocrisie-là, il est en dehors de l'islam. Pourquoi? Parce que il dit la ilaha illallah, mais au fond son cœur, il croit que c'est un mensonge, il croit que le Coran c'est pas la parole d'Allah, c'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le messager d'Allah. Mais il le dit pour une autre raison, peut-être pour tromper les croyants, ou peut-être pour parce qu'il a un plan ou autre chose. Mais c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que par exemple, les caractéristiques d'un hypocrite sont quatre. Par exemple, quand il promet quelque chose, il ment. Quand on lui donne une chose à faire, il trahit qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire. Et lorsqu'il a une dispute avec quelqu'un, peut-être il va dire des mauvaises paroles, des choses comme ça. Qui sont mentionnés dans le hadith, et les ulama ont dit ça, c'est des exemples de choses qui font partie des caractéristiques de l'hypocrite, mais ça ne veut pas dire que celui qui le fait, il est en dehors de l'islam, il est croyant, il est musulman, sauf que il a certaines caractéristiques de l'hypocrite. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man lam yahzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min an-nifaq. Celui qui n'a pas combattu dans le chemin d'Allah et qui n'a pas eu l'intention de le faire, et qui ne s'est pas parlé à lui-même de vouloir le faire, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. Donc, ça c'est un autre exemple qui nous montre que ça c'est une autre caractéristique des hypocrites. Mais ça ne veut pas dire que celui qui ne fait pas, il est en dehors de l'islam. Tu comprends? Donc, le chef ici, il explique qu'il parle des hypocrites purs, ceux qui viennent au qui viennent et disent la ilaha illallah, mais au fond de leur cœur, ils rejettent complètement l'islam. Ça, c'est les vrais hypocrites de ceux de qui je parle. Après, dans Sahih Muslim, il a mentionné le cheikh, il dit Wa fi Sahih Muslim, man qala la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui dit la ilaha illallah et qui rejette ce qui est adoré en dehors de Dieu, en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens sont interdits, ils sont illicites. Et son jugement sera à Allah. C'est Allah seulement qui va lui tenir compte de ce qu'il a fait. Et après, il dit فَعَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حُرْمَةَ الْمَالِ وَالدَّمِ على أمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam associé l'interdiction de il a dit que le sang et les biens sont sacrés pour les musulmans. En associant à ça deux conditions ou deux points. Le premier, c'est qu'ils disent la ilaha illallah, et le deuxième, c'est qu'ils rejettent ou qu'ils renient ce qui est adoré en dehors de Dieu. Donc celui qui dit la ilaha illallah, mais qui yani, ne relie pas ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens ne sont pas sacrés, ils ne sont pas interdits pour les musulmans. Et après le cheikh il dit, « وَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ نُطْقِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا يَتْرُكُ عِبَادَةَ الْمَوْتَى وَالتَّعَلُّقِ بِالْأَضْرِحَةِ لَا يُحَمُ مَالُهُ وَلَا دَمُهُ. » Donc le cheikh il dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas restreint ou limité seulement à dire qu'il faut seulement prononcer la ilaha illallah. Donc il dit, il y a une preuve dans cela que celui qui dit la ilaha illallah et qui ensuite n'abandonne pas l'adoration des morts et de l'attachement envers les tombes, alors celui-là, ni son sang, ni ses biens ne sont sacrés hein, ou protégés. Après, il mentionne un troisième argument des mushrikin. Et ça, il dit, « Talifan, min ash-shubah allati yadluna biha ayban. دعواهم أنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن هذا الذي يمارسونه عند الأضرحة من عبادة الموتى ودعائهم من دون الله لا يسمى شركا عندهم. Donc le chef dit, parmi leurs shubuhat qu'ils utilisent pour tromper les gens, leurs faux arguments, il y a le fait de dire que, ou de prétendre que c'est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, qu'est-ce qu'il dit le chef, c'est qu'il n'y a pas de shirk qui va se produire, et on est parmi eux, ils disent, aucun shirk ne va se produire dans la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme si en voulant dire que la Ummah, elle est protégée de faire le shirk. Ok, ça c'est, wa alaykum salam, fatullahi wa barakatuh. Ça c'était un de leurs arguments, et ils disent tant que la Ummah dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils ne vont jamais commettre le shirk. Et que ce que les gens font autour des tombeaux, par exemple d'adorer les morts ou de leur faire des invocations, alors ils disent que ça ne s'appelle pas du shirk pour eux. Comprends? Donc, leur argument en fait, c'est soit de nier que ce qu'ils font est une adoration, soit parce qu'ils peuvent essayer de dire, par exemple, c'est pas le shirk, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que, par exemple, on respecte les hommes pieux et puis on les vénère et on leur montre un respect ou des choses comme ça, ou d'autres excuses. Mais le shirk il dit, والجواب عن هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون في هذه الأمة مشابهة لليهود والنصارى فيما هم عليه. Donc le chef dit, la réponse qu'on peut donner à cette shubha, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que les gens de sa Ummah vont suivre les juifs et les chrétiens. Par exemple, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من هم يا رسول الله؟ قال قيل من هم يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ Donc ce hadith là ça veut dire vous allez suivre la voie des gens qui sont venus avant vous pas à pas. Et dans le hadith il dit شبرا بشبر ذراعا بذراع, c'est comme si l'ira c'est le bras, l'avant-bras, et comme il dit, c'est mesure par mesure, étape par étape, vous allez les suivre, petit à petit, exactement, pas à pas, vous allez les suivre en fait, pas à pas, jusqu'à ce que, même s'ils rentrent dans un trou de lézard, je ne sais pas si vous savez la grosseur d'un lézard, c'est petit, hein? Alors il dit, jusqu'à ce que si ces gens-là décident d'entrer dans le trou d'un lézard, vous allez vouloir les suivre dedans, vous aussi. Alors les sahabes ont dit, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'autre? Qui d'autre que ceux-là? Donc c'est un exemple qui nous montre que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'on va commencer à les suivre, allez, ça veut dire qu'on va aussi faire des choses, des erreurs qu'ils ont fait eux aussi, après la venue de leur prophète. Et Donc, il nous prévient contre ça. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y aura jamais de shirk dans la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a eu du shirk dans la Ummah de Moussa et dans la Ummah de Isa. Donc, si c'est arrivé dans la Ummah de Moussa et de Isa, alors c'est aussi. Et alors, en fait, 40 jours après. Le... Pardon? Et alors, en fait, justement. Ah oui, 40 jours après que Moussa est allé chercher les lois. Dans 40 jours. 40 il s'est éloigné du peuple pendant 40 jours. Quand il est revenu, ils étaient en train d'adorer le veau d'or. Hein? Donc, ça ne fait pas une longue durée avant que le peuple a commencé à connaître le chef. Hein? Donc, si c'était le cas pour le peuple de Moussa, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, de ceux qui sont venus après, par exemple, qui ont pris Isa, par exemple, comme Dieu avec Allah, qui l'ont déifié, et qui l'ont élevé au statut de divinité, et qui l'ont adoré, et aussi sa mère et tous les autres. Cette semaine, j'étais au travail, et j'ai changé les postes de la radio, et puis j'ai passé sur la radio Ville-Marie. Ça, c'est la station de radio de l'Église catholique de Montréal. Et là, ils étaient en train de réciter le Je vous salue Marie. Je ne sais pas combien de fois ils le font, comme peut-être 50 fois, 100 fois. Et sans arrêt, ils font « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est là le traitement qui mentionne ça. » Et après, la foule, les gens qui sont là, ils répètent « Faites Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » Donc, ils adressent une prière à Marie. Et non seulement ils demandent à Marie de prier pour eux, mais ils l'appellent « Mère de Dieu ». Subhanallah, si Dieu a une mère, alors qu'est-ce qu'il reste? Il a peut-être un père et un grand-père aussi. Donc, ça nous montre l'exagération de ces gens-là dans le shirk. Après, le shirk, il dit « وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ اتِّخَاذُ أَحْبَارَهُمْ وَرُفْدَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ » Donc, il y a un autre exemple aussi de l'égarement des Juifs et des Chrétiens, c'est qu'ils ont pris leur rabbin et leurs prêtres, leurs moines, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et ça, c'est expliqué dans un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un des sahaba avait accepté l'islam, mais lui, il était chrétien auparavant. Je pense que c'est Ali ibn Hatim. Radiallahu anhu. Donc, il passait par là et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui récite une ayah qui dit اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris, en parlant des juifs et des chrétiens, ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que Jésus, fils de Marie, comme Seigneur avec Allah, ou en dehors d'Allah. Alors, Ali ibn Hatim, il a entendu ça et il a dit au prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, nous, on les adorait pas, on les a pas adorés, les prêtres et les autres. Alors, c'est comme s'il voulait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Allah a dit dans le Coran qu'ils ont pris ces gens-là comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé une question et il lui a dit, est-ce que ces gens-là rendaient halal qu'est-ce que Allah avait rendu haram? Est-ce qu'ils faisaient le qu'est-ce qui est licite? Est-ce qu'ils rendaient le licite et licite? Et vous le rendiez licite, vous les suiviez dans ça. Par exemple, ce qui est halal, ce qui est haram, ils le rendent halal. Et eux, ils les exclaient là-dedans. Et ce qui est haram, et ce qui est halal, ils le rendent haram. Et eux, ils les suivent là-dedans. Et là, Ali ibn Hatim, il a dit, oui, effectivement, ils faisaient ça. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà comment vous les adoriez. Donc, c'est comme si, en fait, le fait d'obéir les dirigeants, ou les prêtres, les rois, ou même un imam, ou un chef, dans la, de rendre licite ce qui est illicite, ou de rendre illicite ce qui est licite, ça peut rentrer même dans l'adoration et dans le chef. Et donc, ça, c'est un exemple. Sur les photos, c'est vraiment. Comme Karadawi. Oui, exactement. C'est un exemple. Si par exemple, quelqu'un, bon, par exemple, M. Fontandard, on peut dire, bon, lui, il ne rend pas halal l'affaire directement, parce que je veux dire, il essaie de, d'utiliser des preuves là-dessus, de se référer à des hadiths qu'il déforme, ou qu'il change certaines explications à ce sujet-là pour arriver à le rendre halal. Ou il a une certaine logique derrière ça, une argumentation logique. Par exemple, il dit peut-être que la caméra en photo, c'est pas la même chose que faire un dessin avec la main. Puis il essaie d'utiliser des arguments logiques. Alors, on peut pas dire que ce chef d'avoir fait ça, bon, ça le fait. Oui, c'est un couple ou quoi, non. On peut pas dire ça à ce sujet-là. Mais par contre, si une personne qui connaît son erreur, et le suit volontairement dans son erreur après avoir connu la réalité, dans ce cas-là, pour la personne qui l'a suivi dans son erreur, il peut y avoir quelque chose. Mais pas pour la personne qui l'a dit comme avec une shubha, yani. Tu comprends? Par exemple, en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, les prêtres ont interdit le mariage, par exemple, les prêtres interdit de se marier. C'est pas quelque chose qu'ils ont eu d'une révélation, quelque chose qui se soit interdit à eux-mêmes. Par exemple, la polygamie. Ils ont interdit à un homme de marier plusieurs femmes, mais ils n'ont aucune indication d'interdiction de ça dans leur livre. Et même que, en fait, dans la Bible, il y a plusieurs prophètes qui ont plusieurs femmes. Et il y a même un verset dans Deutéronome ou dans Lévitique que j'ai lu dans l'Ancien Testament, dans lequel il est écrit que celui qui a deux femmes et qu'il en préfère une que l'autre, hein? Donc, il expliquait qu'il ne devait pas faire précéder les enfants de celle qu'il préfère si elle était la deuxième, etc. Donc, je connais des exemples comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses dans la Bible qui prouvent qu'il n'y a rien d'interdit à un homme pour un homme de marier plus qu'une femme. Mais, eux, par après, ils l'ont interdit. C'est les rabbins et les moines qui l'ont interdit, ou les prêtres. Le pape, pour, mais c'est pas une interdiction, par exemple, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, l'interdiction, ils ont rendu licite le porc. Alors que c'est interdit clairement dans l'Ancien Testament que le porc est un animal impur et qu'il est interdit de le manger. Ça, c'est clair dans l'Ancien Testament, il y a un verset là-dessus à ce sujet, mais ils l'ont, par la suite, ils l'ont rendu licite. Par exemple, ils ont rendu les prêtres de faire des statues, des croix, des images et de les adorer et de les vénérer. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Mais ça, c'est juste quelques exemples, on peut voir, qui sont les plus connus. Oui, le premier commandement dans l'Ancien Testament mentionne clairement que tu ne feras aucune image de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucune image. Aucune image ou représentation sculptée ou gravée. C'est clairement, explicitement écrit dans les 10 commandements, et c'est le premier des 10 commandements. Et eux, ils se permettent par la suite de faire des statues, des images, des croix et des choses comme ça, et de les adorer. Donc, on voit clairement une grosse contradiction dans leur principe et leur fondement. Donc, si c'est arrivé parmi les gens qui sont venus avant nous, alors c'est quelque chose qui peut arriver même par nous. Et c'est le cas, en fait, c'est arrivé déjà, et ça continue. Alors, après, le cheikh, il dit, « Wa akhbara ». Donc, avant de commencer, de continuer, je voulais juste clarifier que, donc, par exemple, si un cheikh a vendu halal, quelque chose que Allah a interdit, ou quiconque, même un roi ou un dirigeant, roi halal, qu'est-ce que Allah a interdit, donc ça, c'est sûr qu'il a fait avec connaissance. Alors là, c'est sûr qu'est-ce qu'il fait, c'est un acte pour. Si les gens le suivent dans ça, avec connaissance, alors là aussi, c'est un acte pour. Comme par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait en Tunisie, Bourguiba par exemple, interdiction de la polygamie, maintenant interdiction du voile, interdiction en Turquie aussi, beaucoup de choses comme ça. C'est certain que ces gens-là qui font ça, c'est sûr que c'est des actes pauvres qu'ils ont fait. Interdire ce que Allah a permis, et pas seulement permis, mais ordonné. D'interdire ce qu'il a permis, c'est déjà cool. D'interdire ce qu'il a ordonné, c'est encore pire. Hein? Donc, ça, c'est un point là-dessus. Donc, excusez-moi, le jour où j'ai écouté un débat, c'était à la télévision, là, il y avait une dame là, qui est à Toronto. C'est Bazo, Marie-France Bazo. Non, c'est la femme de Maher Arar. Ah, ok. Je sais pas si vous. Oui, je connais Maher. Tu le vois? Je le vois. Oui, c'est un débat qui était très, très. Ah, oui. En anglais? Non, en français. En français? Oui. Ok. Et puis, ils ont dit, les femmes qui sont intervenues, il y avait des musulmans hein, qui étaient là-bas aussi. Il y a aussi un passage sur le Coran où j'ai écrit qu'on nous a fait revoir. Ok. Oui, j'ai entendu ça. Et puis, ce n'est pas la première femme qui a dit des choses comme ça. Mais souvent, c'est des femmes qui ont pas elle qui est les autres. Les autres femmes comme ça, ouais. Elle est défendée. Oui, c'est ça. Je connais Maria. Les autres ont été venus du nom, on a des choses dans le monde, pourquoi une fois les exposer, c'est à beauté. Ouais, ouais, est-ce que, bon, ça, c'est des arguments. Son voix, ça ne dépend même pas de son mari, c'est elle, son propre choix. Bien, ça c'est, en tout cas, il y a des versets clairs dans le Coran qui posent l'obligation de porter le djilbab. Peut-être des hadiths qui la prouvent. Je pense que eux, qu'est-ce qu'ils font là? Ils jouent avec les mots. Par exemple, ils prennent le mot hijab ou le mot voile en français ou en arabe hijab et ils cherchent dans le Coran, est-ce qu'il y a une mention de hijab? Et là, ils ne trouvent pas. Alors, ils disent, il n'y a rien dans le Coran qui mentionne hijab. En fait, il n'y a rien dans le Coran, il n'y a pas un verset qui mentionne le terme, par exemple, hijab, pour dire que c'est un vêtement. Alors, ils vont dire ça, ah, bon, c'est vrai, c'est pas marqué hijab, donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Non! Le terme qui est utilisé dans le Coran, c'est djilbab et khimar. Ça, c'est des termes qui sont écrits dans le Coran, qui sont clairs, et qui ont été expliqués dans les livres de tafsir et dans les paroles des ulama. Donc, aussi dans les hadiths, dans le Coran, dans les hadiths, dans les paroles des ulama, des premiers savants, parmi les sahaba, et par les autres qui sont venus par la suite. Tout ça, c'est clarifié, c'est clair. Celui qui doute de l'obligation de hijab, ou qui nie l'obligation de hijab, il est kafir. Il n'est pas musulman. S'il le renie comme ça, il est kafir. Salam alaikum. Pardon. Je me trompe. Donc, celui qui nie l'obligation de hijab, il est kafir. Il n'est pas musulman. C'est comme le Zmefemia, il dit souvent dans ses livres. À propos de quelqu'un qui nie quelque chose qui est connu par nécessité de la religion, celui qui le nie, l'istata wa illa kutu. On lui fait faire, c'est dans un gouvernement musulman, bien entendu, si un pays musulman qui juge selon la loi islamique, eh ben, on le prend, les policiers, les autorités vont le prendre et ils vont l'amener devant le juge. Et là, on va lui demander de se repentir, d'avoir nié quelque chose qui vient d'Allah, et on va lui donner les preuves, on va lui expliquer. Et s'il refuse et il persiste à nier, après ça, après 3 jours, eh bien, il sera exécuté, selon la loi islamique. Donc, ça, c'est l'explication de l'ulama à ce sujet. Donc, de nier quelque chose qui vient d'Allah, comme par exemple dire non, l'alcool, c'est pas haram, ou de dire non, le porc, c'est pas haram, ou de dire non, par exemple, faire l'adultère ou la fornication, c'est pas haram. Quiconque fait des choses comme ça, des négations comme ça, ou de dire non, la salade, c'est pas obligatoire, le jeûne, c'est pas obligatoire, des choses comme ça, il a quitté l'islam, il a rejeté la foi. Oui, qui sont pas musulmans, c'est sûr, ils ne sont pas musulmans en partant, bon. Ils peuvent nier ce qu'ils veulent, déjà ils vont nier Allah, ils vont nier d'autres choses. Donc c'est ça, et après il mentionne le chef, il dit « وَأَخْبَرَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهَا لَا تَكُمُ السَّاعَ حَتَّى يَلْحَقُ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِهِ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تُعْبَدُ فِئَاتٌ تَعْبُدُ فِئَاتٌ مِنْ أُمَّتِهِ الْأَوْثَانِ وقد حدث في هذه الأمة من الشرك والمبادئ الهدامة والنحل الضالة ما خرج به كثير من الناس عن دين الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. Donc le chef il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a annoncé que l'heure du jugement ne viendra pas tant qu'un groupe de sa nation va aller pour rejoindre les idolâtres. Et il dit, l'heure du jugement ne viendra tant que ne viendra pas tant que un des groupes de la Ummah, un groupe de, parmi la Ummah, commence à adorer les idoles. Et il y a un hadith rapporté par As-Sawban à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit la taqum sa'a hatta talhaqu qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta tu'bad al awthan. Donc c'est un hadith sahih là, parce que dans sahih al-jami'. Donc c'est un hadith qui dit l'heure du jugement ne viendra pas tant qu'une des tribus de ma nation ou un des groupes de ma nation aille rejoindre les mushrikin et qu'il elle ne viendra pas tant que des gens adorent les idoles. Et donc ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont adorer les idoles plus tard dans le prophète sallallahu a annoncé ça dans l'avenir. Et ensuite de ça, il mentionne comme preuve de la contradiction de cet argument, de cette chouba des mushrikin, que déjà, on a assisté au fait que beaucoup de gens dans cette Ummah ont commis le shirk et ils ont rejoint certaines croyances ou certaines sectes ou certains groupes qui sont totalement opposés à l'islam et à nous. Que ce soit par exemple Al-Qur'anata, Al-Isma'iliya, Al-Duruz, Al-Nusayriya, qui sont des sectes qui ont complètement quitté le l'islam. Ça parce que ils vénèrent, ils croient que Ali par exemple est une incarnation de Dieu, ils croient en la réincarnation, ils rendent tout, il n'y a rien pour eux qui est reconnu comme étant haram, pour eux tout est halal, des choses de ce genre. Et puis aussi le fait que certains parmi les musulmans ont rejoint les communistes, par exemple, il y en a parmi des musulmans qui sont devenus communistes ou laïcs. Ou l'autre de ces. Ouais. Donc la laïcité, il y en a. Des marxistes, des socialistes, et toutes les affaires comme ça, il y en a beaucoup parmi les musulmans qui croient que tu peux croire en ce que tu veux, en ce qui concerne ta religion, et prier comme tu veux, faire ton jeûne, mais en ce qui concerne tes idées politiques, tes idées. Social ou autre, alors ça, tu as le droit d'accepter ce que tu veux parmi les différents systèmes qui existent. Même si dans ces systèmes-là, il y a des contradictions ou des oppositions à la religion et au fondement de l'islam. Et ça, c'est bien entendu, c'est basé sur l'ignorance déjà de l'islam, parce que pour eux, l'islam, ça se limite juste à faire la prière et à faire le jeûne du Ramadan. Les parents, Et par exemple, vous allez Dieu a interdit tout ce qui est mal, et puis vous allez faire une loi qui légalise, par exemple, les barbes danseuses, par exemple les barbes où les femmes dansent nues devant les hommes. Comment vous pouvez dire que vous êtes chrétien, et puis après vous faites une loi qui rend ces choses-là légales? Ou bien, par exemple, vous allez lire dans la Bible que Dieu a interdit l'homosexualité, et vous allez faire une loi qui légalise l'homosexualité et qui permet à ces gens-là de se marier entre eux. Donc, est-ce que vous croyez vraiment à ce que Dieu a révélé, et que vous croyez que c'est obligatoire de le respecter et de le suivre, ou bien vous y croyez pas et puis vous en faites quelque chose de superflu, il y a une étude. Dans mon mariage magistral, il n'est pas réservé à cette union. On peut le vivre une union, mais le fait que deux hommes se marient, c'est tout impropre de ne dire qu'ils sont mariés. Bien entendu. C'est sûr, pour des musulmans, c'est inacceptable. Pour eux, c'est parce qu'ils ne suivent pas leur religion. S'ils lisaient la Bible et s'ils respectaient ce que leur livre enseigne, ils sauraient tout de suite que c'est illégal, que c'est interdit. Ils tout de suite compris. Je pense qu'ils font la différence entre ce que Dieu a interdit dans son livre et qu'est-ce que eux croient. Et ça, c'est un exemple de ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Qu'ils ont pris leur rabbin et leur prêtre comme des seigneurs de leur manière. Même Bush pilote, il vient de la Lune. Ah, que c'est correct? Non. Ah, que c'est pas correct? Même Bush. Ah oui? Même George Bush? Pilote. Bush parle de la Lune. Là, pour ça, c'est une bonne chose, mais. Là, ils viennent de perdre plein de votes là. Non, parce que eux, c'est ça, ils regardent les gens par rapport à des votes. Donc, quand ils vont voir chaque groupe, ils vont essayer de leur promettre ou de leur dire qu'est-ce qui leur fait plaisir. Et donc, quand ils veulent attirer, ils vont satisfaire un groupe pour dire bon, que vous voulez voter pour moi, je vais légaliser telle affaire. Vous voulez interdire ça, moi je vais légaliser telle affaire. Tu vois, ils jouent avec les gens comme ça. En tout cas, là, donc c'est juste pour mentionner que, par exemple, la laïcité, de dire que la religion, puis la foi, c'est deux choses, puis la politique ou l'économie, yani, comme pour eux, là, Dieu a interdit, par exemple, l'intérêt bancaire. Arriba, pour eux, ça c'est illégal, ça c'est correct. Donc si, par exemple, il y a tous les systèmes, que ce soit le capitalisme, le communisme, le socialisme, tous ont légalisé l'arriba. Donc, il n'y en a aucun dans ces systèmes-là qui peut être acceptable dans l'islam. Parce que tout dans ces systèmes-là repose sur ça. Et ça, c'est la base de tous les conflits, tous les problèmes des injustices entre les riches et les pauvres dans toutes les sociétés. Alors, comment on pourrait essayer de dire qu'on peut être musulman et accepter des systèmes qui rendent halal tout ce que Dieu a interdit? Mais ça, c'est déjà là en partant, c'est une conception qui est contraire à. En fondement de l'éclat. Et pourtant, c'est laïque là, c'est soi-disant laïque. Même ceux qui prétendent être démocrates, par exemple, ils vont dire donner au roi aux droits de l'homme et à la démocratie. Bon, dans la démocratie, il faut essayer de faire comprendre que eux, par exemple, ils disent par exemple que la souveraineté, ils disent que la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté appartient au peuple. Alors que ça veut dire pour eux que le peuple a le droit de décider de ses lois. Ils ont le droit de rendre quelque chose licite ou illicite. Alors que ça, dans l'islam, c'est complètement rejeté. Le peuple musulman, peu importe leur cas, Allah est dit, le prophète Mohammed, c'est vrai, la plupart d'entre eux, c'est égaré. Oui, la majorité d'entre eux. C'est ce que qu'on fait. C'est sur la majorité. C'est pour ça il y a des gens qui ont dit que la démocratie est venue pour combattre la dictature. Hein? Puis en fait, qu'est-ce que c'est en fait la démocratie? C'est la dictature de la majorité. Donc la majorité qui donne sa dictature, qui veut imposer sa loi à la minorité. Et puis la dictature, bon, si on parle au clan de la dictature, pourquoi la dictature est mauvaise dans l'islam? C'est pas seulement à cause de l'injustice que les dirigeants peuvent faire, parce que c'est possible qu'il y ait un dirigeant, un dictateur qui soit juste, et ça, dans ce cas-là, tu vois, ce serait pas une chose mal. Le problème avec la dictature, c'est que le dictateur, dans le système dictatorial, le dirigeant a le droit de faire ses propres lois et de rendre licite ou illicite ce qu'il veut. Alors ça, déjà là, en partant, c'est pour ça que c'est contraire à l'islam. Hein? Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas ça. Souvent, il y en a qui, parmi les koufars, qui décrivent l'islam comme étant une théocratie. C'est-à-dire, que, par exemple, la théocratie, c'est quoi? C'est que les prêtres, c'est eux qui décident les lois et les règlements. Alors que dans l'islam, ça, justement, ça n'existe pas. Il n'y a pas un clergé ou des prêtres qui décident les lois. C'est les lois qui viennent d'Allah et de son messager qu'on applique surtout. Les savants, leur rôle, c'est pas de faire des lois, d'inventer des lois, et d'interdire ou de permettre ce que Dieu a, de permettre ou d'interdire en dehors d'Allah. Mais c'est plutôt de juger, d'expliquer, de clarifier qu'est-ce que Dieu a permis, interdit dans toute sa révélation, c'est tout. Donc, c'est juste un point en passant pour mentionner. Mais aussi, il y a une autre chose que je veux mentionner à propos de ce point-là, au sujet que, de qu'est-ce qu'ils disent, que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du shirk. C'est que beaucoup d'entre eux qui vont au temple pour implorer les morts, pour invoquer les morts, ils disent souvent que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas du shirk, pour différentes raisons. On va en parler plus en détail, Inch'Allah. Mais ils disent que parce que les morts, les prophètes, les prophètes, ils disent qu'il n'est pas mort dans sa tombe. D'accord? Et comme les martyrs aussi, ils ne sont pas morts dans leur tombe. Donc, c'est correct de lui demander qu'est-ce qu'on lui demande quand il est vivant. Laisse-le vivant dans sa tombe. Oui, le prophète, il vit dans sa tombe. Sauf que sa vie dans sa tombe, c'est une vie, comme on appelle, al-barzakh. C'est une vie entre les deux mondes. Et quand on est mort, tous les êtres humains, on meurt, on est dans un état, comme par exemple, il y a Adab al-Qabr, il y a Na'im al-Qabr, il y a le supplice de la tombe. La punition de la tombe, et il y a aussi la récompense dans la tombe aussi. Celui qui est croyant, qui était bon, il aura sa tombe sera élargie pour lui, hein, tandis que celui qui faisait des péchés et tout, sa tombe va se rétrécir sur lui. Ça, c'est une chose réelle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant dans sa tombe, sauf qu'il n'est pas vivant comme quand il était en vie. Et puis les règles qui s'appliquent à cette vie-là, ce sont pas les mêmes règles qui s'appliquent à la vie actuelle. Exactement. Et la preuve, c'est que il est mort. En fait, le prophète Allah s'en a dit, il n'a qu'à mayitoun. Donc Allah s'en a dit, certes, tu vas mourir, comme les autres aussi vont mourir. Donc le prophète s'en a dit, il n'y a pas d'autre qui est mort. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr, il s'est levé et il a dit, celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Mais celui qui adore Allah, alors sachez que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant et il ne meurt pas. Donc, c'est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne veut pas dire que ça ne lui donne pas le même s'il vit une vie particulière comme le prophète, il vit une vie différente dans leur tombe. Ça ne veut pas dire qu'on peut leur adresser des prières, et on peut leur demander de nous venir en aide, on peut lui demander de nous donner un secours, ou de nous donner de l'argent, de nous donner des victoires, ou de nous faire avoir des enfants, ou toutes ces autres raisons-là, tu vois. Donc, et ça, il y a un bon livre justement que j'ai apporté là-dessus. Je voudrais peut-être, si on termine ce livre-là, Inch'Allah, après qu'on essaie de comprendre ce livre, c'est un livre d'Ibn Taymiyyah qui s'appelle Qa'idatun Jarila fi Tawassuli wal Wasila. Et ça, c'est un livre dans lequel il a vraiment bien clarifié le sujet et il a vraiment annulé toutes les doutes qui pouvaient exister à ce sujet-là. Et aussi, une autre des raisons qui fait que ces gens-là croient que ce qu'ils font, c'est pas du shirk, c'est qu'ils ne font pas de distinction entre le vivant et le mort. Shirk, c'est toute forme d'adoration que tu vas offrir à autre que Dieu. Ça, là, c'est une acte qu'on dit shirk. Et shirk, ça vient d'un verbe arabe, ashraka yushriku, shirkan, qui veut dire associer, ou donner des associés ou des partenaires à Dieu. Okay? Donc, quand tu adores un autre Dieu, ou que tu implores ou invoques autre que Allah, que ce soit un ange, un arbre, un saint, une idole, une image, une statue, tout ça, alors quand tu fais ça, eh bien, c'est comme si tu as donné à Dieu un partenaire dans une des choses qui lui est spécifique, c'est-à-dire c'est un de ses droits spécifiques d'être adoré. Et personne d'autre ne doit être associé à lui dans ce droit. Donc, quand tu dis que tu as fait le shirk, ben ça c'est le plus grand péché que tu peux commettre. dans l'islam. Et c'est ça, de ça qu'on a parlé depuis le début, puis on continue. On a commencé vers 4h15. Là, jusqu'à ce qu'on arrive. Ça fait une heure, c'est ça qu'on a commencé. On va bientôt terminer, Inch'Allah. On va bientôt terminer. Et puis, qu'est-ce que j'étais rendu? Ah oui, il ne faut pas de distinction entre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était vivant, quand il était mort, ou bien les salihin. Donc, ils disent que si c'était permis d'aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et de lui dire au messager d'Allah, demande à Allah pour moi de, par exemple, de me guérir parce que je suis malade. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait, il faisait un dua, il demandait à Allah de le guérir et la personne était guérie. Ok? Donc ils disent, ça c'était permis quand il était vivant. C'est vrai. Par exemple, il y a l'exemple d'une femme qui avait des crises. Soit elle avait des crises, elle avait une épilepsie. Alors quand elle avait l'épilepsie, elle se découvrait. Elle enlevait des vêtements. Alors, elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle a dit, Ya Rasulallah, moi j'ai des crises d'épilepsie. Alors, invoque Allah pour qu'il me guérisse. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu veux, tu vas être endurante, tu vas endurer ça, et tu vas avoir le paradis. Sinon, si tu veux, je vais invoquer Allah pour toi. Alors, elle a dit, d'accord, ya Rasulallah, je vais endurer. Je vais être patient. Sauf que, je me découvre, quand j'ai des crises d'épilepsie, je découvre, j'enlève mes vêtements. Alors, s'il te plaît, invoque Allah pour que je ne me découvre pas. Et donc, il a invoqué Allah pour qu'elle ne se découvre pas. Mais tu vois, c'est comme même pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le frère a mentionné, il ne venait pas tout de suite pour dire, pour faire le dua pour eux, mais il leur donnait le choix, soit d'être patient, soit même de faire le dua pour eux. Et dans ce cas-là, on a vu que elle a décidé d'être patiente. Mais dans ce cas-là, c'est permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et il est capable de faire le dua pour nous. Mais là, après sa mort, il n'a jamais été rapporté par personne, que ce soit parmi les sahaba eux-mêmes ou les tabi'in, que quelqu'un est allé au tombeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire au messager d'Allah, je suis malade. Et quelque chose comme ça, alors demande à Allah de me guérir. Impossible. Aucun des sahaba n'a jamais pensé faire une chose pareille. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? C'est que des gens de bédah, des gens d'innovation, sont arrivés et eux, ils ont commencé à s'égarer dans ce sujet-là et commencer à prier les morts et à demander aux morts de les aider. Ils vont pas juste au tombeau du prophète Mohammed, mais au tombeau de n'importe quel autre personnage qu'ils considèrent comme une personne sainte. Et ça, c'est justement ce qui va venir. Le quatrième point, c'est que le chef il dit وَمِنَ الشُّبَهِ الَّذِي تَعَلَّقُ بِهَا قَضِيَةُ الشَّفَاعَةِ حَيْثُ يَقُولُونَ نَحْنُ نُرِيدُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَضَاءُ الْحَاجَاتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ يَقُولُونَ نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله لأنهم أهل صلاح ومكانة عند الله فنحن نريد بجاههم وشفاعتهم. Donc le Cheikh il dit, parmi leurs شبهات qu'ils vont utiliser, ils vont utiliser la شبهة de l'intercession. Donc ils ont dit, nous on sait, on veut pas que les saints ou les gens vertueux nous remplissent nos besoins en dehors d'Allah. Alors, on veut pas qu'ils viennent nous aider en dehors d'Allah. On veut seulement qu'ils soient intercesseurs pour nous auprès d'Allah. Parce qu'ils étaient des gens pieux et ils avaient un statut. Ils avaient un statut élevé auprès d'Allah. Alors, à cause de ça, on veut seulement demander à Allah par leur statut élevé et par leur intercession. Et le cheikh il dit والجواب أن هذا هو عين ما قاله المشركون من قبل في تسويه ما هم عليه وقد كفرهم الله وسماهم مشركين كما قال في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le cheikh dit, et la réponse à cet argument, à ce faux argument, c'est que c'est exactement ça que les idolâtres disaient avant, lorsqu'ils essayaient de justifier qu'est-ce qu'ils faisaient. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala les a déclarés de kuffar et il les a appelés des mushrikins, des idolâtres. Et il a dit dans le Coran, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Hein? Donc, après, dans la suite de ce verset-là, Allah dit, « أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ » Donc, est-ce que vous allez dire à Dieu ce que lui-même ne sait même pas dans le ciel de la terre, c'est-à-dire ils ne sont pas des intercesseurs. Alors après, il a dit qu'ils soient purifiés ou qu'ils soient glorifiés de ce que les idolâtres lui associent. Et sur la page 296, il y a une explication détaillée du chafar au sujet du chafar. Et donc, qu'est-ce que c'est Ash-Shafa'a? C'est quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose de bien pour toi. Par exemple, une intercession entre les hommes dans toute vie, ça c'est permis, hein, dans le bien. Par exemple, on va dire que tu connais bien l'imam, d'accord, l'imam de la mosquée, et puis il a une fille, et tu voudrais la demander en mariage. Peut-être que ce n'est pas un bon exemple, mais tu vas aller dire, toi tu le connais bien, moi je ne le connais pas. Donc tu vas venir me voir, tu me dis, je vais venir te voir, je vais dire, moi je voudrais marier la fille du chef, et toi tu le connais bien, introduis-moi au chef pour qu'il accepte. Ou bien, un exemple de ce genre, ça peut être dans le business aussi, dans le commerce. Quelqu'un a un poste de travail, et toi tu le connais, puis tu le connais bien, le patron, alors tu vas le voir, tu parles au patron pour moi pour qu'il accepte de m'engager, hein, et là il va t'engager. Ça c'est un exemple de chafa'a entre les êtres humains. Donc demander l'intercession c'est permis, comme par exemple on va dire au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être que les sahaba allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et allaient lui dire, Ya Rasulullah, intercède pour moi auprès d'Allah, pour que je rentre au paradis. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un dua et demande à Allah de faire entrer cette personne au paradis. Il est vu. Alors qu'il est en vie, ça c'est correct. Mais, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, là, bien entendu, on ne peut pas demander l'intercession. D'accord? Mais, comme le chef va l'expliquer, il dit الشفاعة حق إذا تحققت شروطها وهي أن تكون بإذن الله تعالى ورضاه عن المشفوع له. قال الله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ففي هذه الآية الكريمة أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. الأول إذن الله للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملكه سبحانه، قل لله الشفاعة جميعا. والثاني رضاه عن المشفوع فيه، بأن يكون من أهل التوحيد، لأن المشرك لا تنفعه الشفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. دونك الشيخ يزي la shafa'a, elle est permise, elle est vraie, on l'accepte, tant que les conditions du shafa'a ont été respectées. Et les conditions, c'est qu'elle a été faite par la permission d'Allah, et que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé la personne pour qui l'intercession a été faite. Et ici, par exemple, Allah n'accepte pas la personne pour qui l'intercession est faite, eh bien, il ne peut pas y avoir d'intercession. c'est pas comparable à l'intercession d'un être humain envers un autre être humain. Par exemple, quand, par exemple, si moi je te connais bien, Saranaz, et toi tu connais bien Hamza. Alors, on va dire que je ne connais pas Hamza, alors dans ce cas-là, je vais te demander d'intercéder. D'accord? Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il me connaît mieux que je me connais moi-même. Tu comprends? C'est pas comme si quelqu'un va me présenter à Allah. Parce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il me connaît mieux. Et une autre distinction aussi, c'est que le fait que peut-être, peut-être que la chose qui fait que Hamza ne pourrait pas refuser à Saranaz une faveur, parce qu'il a peut-être besoin de Saranaz. Tu comprends? Alors, à cause de ça, il va être gêné de refuser à Saranaz une faveur. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, personne ne peut avoir cette attitude-là envers lui, yani. Parce que lui n'a besoin de personne, tu comprends? Donc, dans ce cas-là, on voit une grande distinction entre la shafa'a qui se passe entre les êtres humains et la shafa'a qui se passe entre Allah subhanahu wa ta'ala et la créature au jugement dernier. Donc, ça c'est un exemple, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par exemple, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Combien d'anges dans les cieux dont leur intercession ne sert à rien sauf pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission et qui l'a agréé. Pour celui qui l'a voulu, pour celui qu'il veut et qui l'a agréé. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, l'intercession est seulement valable pour celui à qui il a donné la permission, pour celui qu'il veut et qu'il a agréé. Et donc, les deux conditions, c'est quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, il y a deux conditions. La première, que Allah donne la permission à la personne qui intercède. Comme par exemple, si c'est le prophète sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas intercéder en faveur de quelqu'un sans la permission d'Allah, parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam dans Ayat al-Kursi, Allah la ilaha illa hu al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission, hein? Ça, c'est un verset bien connu dans le Coran. Donc, personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Ça, c'est un. Et deux, comment avoir cette permission? Qui peut avoir cette permission? Non, pas n'importe qui. Allah, subhanahu wa ta'ala, il la donne seulement à certains de ses serviteurs. Et donc, il va la donner aux gens, à Salihin, ou à l'Anbiya. Certains d'entre eux, ils vont avoir des intercessions, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir une intercession particulière, yani, que personne d'autre parmi les prophètes vont avoir. Et ça c'est vrai, mais il va l'avoir seulement après avoir demandé la permission d'Allah. Et ça c'est expliqué dans les hadiths, yani, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'intercession et tout. Et donc, après Allah subhanahu wa ta'ala, après un certain temps, que seul lui connaît la durée, donc il va lui dire, lève-toi et demande. Et là, il va pouvoir demander. Demander l'intercession à quelqu'un, c'est différent. Sauf que, qu'est-ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a des gens qui demandent à des morts l'intercession. Et ça, c'est une erreur, parce que l'intercession appartient seulement à Allah. Donc, tu ne peux pas demander l'intercession excepté à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais expliquer après, tu vas comprendre. J'ai vu aussi dans les questions, c'est que vous avez dit un jour, en fait, il y a cette permission, même le prophète, il y en a eu des occasions où Dieu ne nous a pas donné des permissions, comme on a demandé ses parents. Exactement. Exactement, ça c'est des exemples, et même par exemple Ibrahim, alayhi salam, il a voulu faire le dua pour son père, et Allah lui a refusé, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de sa mère, j'ai demandé à Allah de est-ce que je peux prier pour elle, et puis il m'a refusé ça. Ouais. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait même pas le droit de prier pour sa mère et demander le pardon pour sa mère. Mais on peut faire la prière dans notre qui adorable. On peut, un vivant, une personne vivante, oui. Mais, on ne peut pas demander à une personne morte. Non, non, on peut demander à une personne morte. De prier. Non, on peut prier pour une personne morte. Comme par exemple, si quelqu'un est mort, on demande à Allah, Ya Allah, faire la roue. Allah pardonne cette personne et fait rentrer dans son paradis. Si elle est musulmane, si elle n'est pas musulmane, on ne peut pas. Okay. Si ton père est mort dans le coffre, dans le shirk, tu n'as pas le droit. Comme le père d'Ibrahim, il est mort dans la mécréance, et Allah lui a interdit de faire le dua pour son père après sa mort. Mais j'aimerais seulement clarifier le point, juste pour compléter, puis après, peut-être que ça va répondre à plusieurs questions après. Donc le cheikh il dit, il faut que Allah Ta'ala ait donné la permission à la personne qui intercède, parce que l'intercession est sa propriété, ça lui appartient à lui seul, d'accord? Parce que Allah Ta'ala il dit, أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Donc Allah il dit, est-ce qu'ils ont pris en dehors d'Allah des intercesseurs, même si ces intercesseurs-là ne possèdent rien et ne raisonnent pas? Et après il dit, Qul, dit au Muhammad, l'intercession appartient à Allah tout entier. C'est à Allah seul que l'intercession appartient. Et donc, personne ne peut adorer ou demander l'intercession à personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est un point. Et le deuxième point c'est le ridahu an al mashru'i fihi bi an yakuna li nahl al tawhid. Donc une deuxième condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala doit accepter la personne pour qui on fait l'intercession. C'est-à-dire qu'il doit être parmi les gens du tawhid. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira dans lequel on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Ou bien le prophète a dit, Abu Huraira a dit, man as'a al-nas bi shafa'atika. Et le prophète a dit, as'a al-nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah, man laqiya Allah wa lam qala la ilaha illallah wa taraka kull ma yu'badu min dunillah. Ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est approximativement le sens. Ça dit, Abu Huraira a dit, qui sera la personne la plus heureuse de ton intercession au jugement dernier? Il a dit, celui qui a dit la ilaha illallah et qui a abandonné tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et donc ça c'est une des clarifications. Et donc si par exemple quelqu'un demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire rentrer au paradis durant sa vie, et que cette personne-là ne croit pas au prophète, ne croit pas au Coran, ne croit pas en l'islam, c'est bien entendu que cette personne-là ne croit pas avoir aucune intercession d'Allah, parce qu'elle n'a même pas cru au prophète. Donc, premièrement, la première chose qui peut nous garantir ou qui peut nous apporter l'intercession du prophète, c'est premièrement de croire au prophète et de suivre son exemple, de suivre sa sunna. Si on n'a pas la foi et si on ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourra jamais profiter d'aucune intercession. Et même que des gens peuvent avoir l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement en ayant cru et suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils n'ont jamais demandé à Allah l'intercession. Parce que, simplement parce qu'ils ont cru en l'islam, ils sont des bons croyants, et donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire profiter de cette intercession-là. Même si on la demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est un point parce que le chef il dit ensuite, لأنك المشرك لا تنفعه الشفاعة comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Les gens qui connaissent le chef, c'est-à-dire qui adorent autre que Allah, qui demandent aux morts, qui invoquent les morts et qui crient dans les tombes, alors ces gens-là, la shafa'a ne leur sert à rien. Et il y a un verset dans le Coran dans lequel Allah parle des kuffars en disant, ça n'a pas de shafa'a de shafi'i. L'intercession des intercesseurs ne leur servira et ne leur profitera à rien. Et après le chef dit فتبين بهذا بطلان ما عليه القبوريون اليوم الذين يطلبون الشفاعة من الأموات ويتقربون إليه بأنواع القربات كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Donc le chef dit par ça on voit la fausseté de ce que les gens qui adorent les tombes aujourd'hui font en demandant l'intercession directement des morts. C'est-à-dire, ils vont à la tombe d'un personnage et ils lui disent As'aluka shafa'ataka, c'est-à-dire des choses comme ça. Ils demandent aux morts d'intercéder pour lui et ça, c'est exactement ce que les mouchriquins faisaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire et ni leur profiter et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. وقال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض كم لغتك جمعسيني قصدما وقد أعطي نبينا الشفاعة صلى الله عليه وسلم فيشفع لمن أذن له أذن الله له فيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة فيدخل الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفع في من استحق النار ولا يدخلها ويشفع في من دخلها أن يخرج منها يعني donc le chef il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah rahimahullah et avant ça il dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été on lui a donné le shafa'a et il va intercéder pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis et il mentionne les paroles de Ibn Taymiyyah qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura trois catégories de shafa'a trois sortes d'intercession qui lui sera permis. La première shafa'a, c'est la shafa'a que les gens au jugement dernier, ils vont aller pour demander à chaque prophète l'intercession. Ils vont commencer par demander à Adam, et Adam va les envoyer à Nuh, et Nuh va les envoyer à Ibrahim, et Ibrahim à Moussa, et Moussa à Isa. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils vont aller demander à ce prophète, c'est lui qui pourra nous aider là-dedans. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire sujoud devant Allah sallallahu alayhi wa sallam et il va demander l'intercession et Allah va lui dire demande et tu seras exaucé et c'est là qu'il va faire une shafa'a pour les gens au jugement dernier. Le deuxième degré de shafa'a, c'est la shafa'a pour les gens du paradis, pour qu'ils rentrent au paradis. Et il dit que ces deux shafa'a sont spécialement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une troisième shafa'a, il dit que c'est les shafa'a pour les gens qui ont mérité l'enfer. Alors, il a dit cette shafa'a, elle n'est pas seulement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est aussi pour tous les autres prophètes et les gens véridiques et les gens pieux. Et ils vont faire l'intercession pour ceux qui ont mérité l'enfer, pour pas qu'ils entrent dans l'enfer, et il va intercéder aussi pour ceux qui sont dans l'enfer, pour qu'ils sortent de l'enfer. Bien. Une question. Comment c'est le cas de Ibrahim qui méritait l'enfer? Comme tu as dit, c'est tous les prophètes qui ont, ils peuvent intercéder même à tous les gens, même à ceux qui ouais. Pourquoi il n'a pas eu la permission? Parce que Ibrahim, parce qu'on a le droit de faire l'intercession pour les gens qui n'ont pas commis le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Donc ça veut dire par exemple le père d'Ibrahim, étant donné qu'il était un mouchrik, il a commis le shirk, Allah ne peut pas lui pardonner. Mais l'intercession, c'est pour les gens du Tawhid qui ont fait des péchés. Et il y aura des gens parmi les musulmans qui vont entrer en enfer et que Allah subhanahu wa ta'ala va leur permettre de sortir ou va les empêcher de rentrer en enfer à cause de la shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est l'explication. Après il dit وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَمَّا شَفَاعَتُهُ لِأَهْلِ الذُّنُوبِ مِنْ أُمَّتِهِ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَسَائِرِ أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية وقال هؤلاء يدخل النار ولا يخرج منها ولا بشفاعة ولا غيرها وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة ولا يجتمع عندهم في شخص واحد ثواب وعقاب إلى أن قال واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. Donc le chef là qu'est-ce qu'il explique? Il explique la position des gens de Bid'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila et d'autres sectes qui ont nié l'intercession. Ils ont dit celui qui rentre en enfer, il va rester en enfer. Celui qui rentre au paradis, il va rester en paradis, mais quelqu'un ne peut pas aller en enfer et sortir. Ils ont nié en fait les hadiths qui sont authentiques, qui sont rapportés sur l'intercession. Et donc le cheikh, il mentionne aussi des versets qu'ils ont utilisés pour essayer de justifier leur position, comme par exemple « Salat al-Fa'ahum shafa'at al-Shafi'i » ou « Wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a » des versets comme ça. Et après, le cheikh il va expliquer, il dit que, en fait, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il y a deux façons que les gens de la Sunna ont écouté les arguments des Mu'tazila et des Khawarij. La première, c'est de dire que elle n'aura aucune, elle profitera pas les mushrikins. Mais pour les autres qui ont les tawhid, ça va leur profiter. Et après, il montre que ces versets-là qu'ils ont mentionnés concernent les mushrikins, en fait. Donc ils ne peuvent pas les utiliser comme une preuve. Et la deuxième, yani, façon de leur répondre, c'est de dire que yani, la shafa'a que Allah la shafa'a qui est niée dans le Coran, parce que dans ces versets-là, on a nié la shafa'a ou l'intercession, et bien l'intercession en question, c'était l'intercession des gens du chef, et de ceux qui les ressentent. Donc ça c'était juste pour clarifier le sujet de l'intercession. Puis pour terminer, yani, pour expliquer qu'est-ce que le chef il dit. Après, il dit « فَالشَّفَاعَةُ حَقُّ اللَّهِ وَلَكِنَّهَا مُلْكٌ لِلَّهِ وَحْدَهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا وَهِيَ تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ لَا مِنَ الْأَمْوَاتِ لأن الله لم يرخص في طلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأنبياء ولا غيرهم لأنها ملكه سبحانه وتطلب منه وليأذن للشافع أن يشفع وليس الأمر كما هو عند المخلوقين تقدم الشفعاء لديهم بدون إذنهم ويضطرون إلى قبول الشفاعة لحاجتهم إليهم يعني هم أفت لشيخ يدرزون من تكلمة كستوانا يتبكي. Et après, il a mentionné comme cinquième argument, شبهة الخامسة. ومن شبه هؤلاء أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله ونحن نسأل الله بجاههم ومكانهم والجواب أن المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن الجزم لشخص معين أنه ولي لله يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ومن ثبت ولايته بالكتاب والسنة لم يجز لنا الغلو فيه والتبرك به لأن ذلك من وسائل الشرك والله أمرنا بدعائه مباشرة دون اتخاذ وسائط بيننا وبينه لأن هذا هو التعليل الذي علل به المشركون من قبل أنهم اتخذوا هؤلاء شفعاء ووسطاء ووسائط بين الله بينهم وبين الله ويسألون الله بجاههم وقربهم فأنكر الله عليهم ذلك. لا donc le chef, il mentionne comme dernier point que ces gens-là, ils disent, nous, on, yani, ils disent, les saints et les pieux, yani, les gens pieux et vertueux, ils ont une position élevée auprès de Dieu. Et donc, nous, on demande à Allah par leur statut ou par leur position auprès d'Allah. Et le chef, il dit, la réponse à ce sujet, c'est que tous les croyants sont des saints. Comme par exemple, la notion de wilaya, la notion de sainteté dans l'islam, en fait, ça n'existe pas. Ça a été pris des chrétiens. Les chrétiens, par exemple, le pape, il peut décider de canoniser ou de rendre une personne un saint. Puis après ça, ils le mettent parmi la liste des saints qu'on a le droit d'invoquer pour demander l'intercession ou demander des choses. Hein. Mais dans l'islam, il n'y a pas de prêtre, de clergé ou de pape qui a l'autorité de rendre quelqu'un un saint ou autre. Hein. Donc, pour dire que quelqu'un est un saint ou qu'il est une personne rapprochée d'Allah, parce que Al-Wali, hein, ça veut dire la personne qui est proche d'Allah ou qui est un ami d'Allah, ou qui est un allié d'Allah. Donc le terme wali, même le traduire comme voulant dire saint, c'est une erreur, parce que wali, ça ne veut pas nécessairement dire un saint comme dans le sens, dans le christianisme, c'est tout à fait différent. Mais quand on dit par exemple un wali, on parle de quelqu'un qui est pieux, qui est rapproché d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a défini et il a clarifié qu'est-ce qu'il faut pour être un wali. Et c'est quoi les conditions pour être un wali? Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Donc celui qui a l'iman ou taqwa, il est un wali d'Allah. Et les ulama ils ont expliqué que c'est pas une condition pour que on soit un wali qu'on fasse des miracles ou qu'on soit parfait ou qu'on n'ait pas de péché. Ça c'est pas une condition qui est réelle pour avoir ce statut, pour être un wali. Donc, en fait, personne d'entre nous, on peut savoir qui d'entre les hommes est un wali, sauf s'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna qui vient affirmer ou confirmer que cette personne-là est proche ou rapprochée d'Allah. D'accord? Donc, c'est pour ça que si on n'a pas de preuve, on ne peut pas réellement affirmer qu'une telle personne est un wali d'Allah. Hein? Donc, c'est juste pour clarifier ça. Et donc, lorsqu'on a compris ça, on va comprendre que on n'a pas le droit d'exagérer ou de chercher la bénédiction de ces gens-là, des gens qui ont été appelés par d'autres des saints, sans preuve, parce que ces choses-là vont amener les gens au shirk. Et Allah ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, nous a ordonné de l'adorer directement. Par exemple, Allah ta'ala dit dans le Coran, وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous réponds. Il n'a pas dit, invoquez-moi par quelqu'un d'autre ou invoquez quelqu'un d'autre pour demander à moi ou autre chose. Il a dit, invoquez-moi directement. Et dans une autre ayah par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il va dire, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche de lui et je réponds à l'appel de celui qui invoque lorsqu'il m'invoque. Alors donc ça veut dire que on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala directement. Et dans une autre ayah Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et les mosquées sont là pour sont à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Alors n'invoquez personne d'autre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les mosquées. Donc quand on invoque Allah doit invoquer Allah seul. Et tout ça sont des versets qui nous montrent que on doit pas prendre d'intermédiaire ou d'associé ou d'intercesseur pour adorer Allah, mais qu'on doit adorer Allah seul et directement. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent nous montrer que cette idée de ces gens-là qui qui croient que c'est permis pour eux d'invoquer les morts ou les saints, yani, ces gens-là sont tombés dans l'idolâtrie, yani, dans le shirk et dans l'erreur. Donc, on doit faire attention à ça. Donc, on va arrêter ici. Déjà, on a dépassé le temps. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, après l'Asr, on va continuer. Et puis, on va expliquer la semaine prochaine, Inch'Allah, les différentes catégories de shirk. Parce qu'il y a des sortes de shirk, comme shirk al-akbar et shirk al-asghar. Il y a une forme d'idolâtrie ou de shirk qui est majeure. Celui qui le fait, il sort de l'islam. Et il y a une autre forme de shirk qui est mineure. Et ça, c'est une chose qui peut amener les gens à tomber dans le shirk majeur, mais qui ne fait pas sortir quelqu'un directement de l'islam. Donc ça, on va l'expliquer. Et puis après, le shirk, il va donner des exemples de chaque catégorie de shirk pour faire comprendre bien aux gens qu'est-ce que c'est et comment faire pour ne pas tomber dedans. Donc on va arrêter ici à ce moment-là. On va faire un âge. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك